Yo, Symphonique Production, SHNEZ comme mes flots sur le beat. Yo, 9-7-4 vibration, quartier nord, Saint-Denis, Réunion. Ouais. Dans le rap, j'suis qu'un apprenti, j'vis ma vie d'artiste accompli sans complot pour un public averti. Yo, sur le bitume, je traîne ma carcasse avec mes complices et puis mon molosse. Yo, j'balance la sauce. J'suis censé me donner à 200%. Désolé pour ceux qui seront déçus. Moi, j'ai les deux pieds dedans depuis que j'suis adolescent. Maintenant, j'vois des groupes qui parlent l'argent comptant. Faut pas compter. J'pense que le rap remonte en flèche et que la techno s'étouffe. Si je t'écris, c'est que c'est mon taf. Si c'est du bon, ça va savoir. Alors parlons-en, alors parlons-en. Nous le faire enlever à 200%. Il faut que ça pète pour nous et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps qu'on respirait. Pour ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer. Nous le faire enlever à 200%. Il faut que ça pète pour nous et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps qu'on respirait. Ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer. Écoute mon peur à gars, c'est du brut comme le mot pute et y'a même pas un peu de raga. J'suis bien décidé à ne pas céder, me suicider, rester lucide afin de rendre hommage aux proches décédés. Pas plus rien ou à moitié, l'amour nous tue un par un alors qu'on vit à peine d'amitié. Quand j'fume, j'vois tout en grand comme les Américains. Pour moi, passer une bonne soirée, c'est quand tous mes Américains. Comme beaucoup ici, j'm'accroche à la Yves, parce que la mort ne prévient pas quand elle arrive. Demande à Yves, j'ai 27 années et j'ai pas peur de dire que j'suis pas pressé de gagner. Faut ménager, c'est ménager, même se battre pour manger. Maintenant je suis autonome, hier encore j'étais un petit branleur. Ouais c'est comme ça qu'on te nomme, VR, rap d'énerve vénère. Parce que la rage dans mes vénères. Nous le faire enlever à 200%, il faut que ça pète pour nous. Et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps pour respirer. Pour ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer. Nous le faire enlever à 200%, il faut que ça pète pour nous. Et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps pour respirer. Pour ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer. Nous le faire enlever à 200%, il faut que ça pète pour nous. Et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps pour respirer. Pour ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer. Nous le faire enlever à 200%, il faut que ça pète pour nous. Et on attendra plus 2 ans pour ça. On sera inspiré, tout le temps pour respirer. Pour ceux qui guettent nos deuils, ils peuvent toujours espérer.